marche tendre d'un sous-bois. Nous deux en dessous du temps libre devant soi. Au moins tôt, une allée bordée de frênes, mon bras sur ton cou, un sentier qui nous entraîne. Au moins tôt, s'ouvre alors une clairière, on tombe à genoux, lit de mousse de bruyère. Au moins tôt, le jus à prendre des groseilles, des cheveux cachous, un coin d'ombre en plein soleil. Au moins tout, le balai souple des cimes, tes mains sur mes joues, délicate pantomime. Au moins tout, dans cette étrange chapelle, nos doigts qui se nouent, de mes anges qui s'appellent. Se pose un baiser filou, une fleur grande éclose. Au moins tôt, les fougères qui se balancent, ton ventre si doux, la lumière, le silence. Au moins tôt, un Éden en miniature, l'amour entre nous, entre nous et la nature. Au moins doux,